Heureux berger, voici le lieu où vient de naître l'homme Dieu, revêtu de notre misère. Ainsi nous l'a marqué, ainsi nous l'a marqué l'ange du Tout-Puissant. Entrons sans différer, voyons ce Dieu naissant, et que chacun de nous, par un amour sincère, montre de ses bontés de père un cœur connaissant. Et que chacun de nous, par un amour sincère, montre de ses bontés de père un cœur connaissant. Un cœur reconnaissant. Thank you. c'est de l'ombre, flambeau dont l'onde est le tombeau, flambeau qui naît du c'est de l'ombre, flambeau dont l'onde est le tombeau. Non, non, l'or de ta tresse blonde, flambeau qui naît du c'est de l'ombre, non, non, l'or de ta tresse blonde n'eut jamais tant d'éclat que Jésus au berceau, n'eut jamais tant d'éclat que Jésus au berceau. Thank you. Thank you. grâce.